Chapitre 8. Laissé en arrière. Le départ de la caravane pour Chihuahua avait été fixé au troisième jour après le fandango. Ce jour arrive. Je me trouve hors d'état de partir. Mon chirurgien, abominable sangsue mexicaine, m'affirme que c'est courir à une mort certaine que de me mettre en route. En l'absence de toute preuve contraire, je suis forcé de m'en rapporter à lui. Je n'ai pas d'autre alternative que la triste nécessité d'attendre à Santa Fe le retour des marchands. Cloué sur mon lit par la fièvre, je dis adieu à mes compagnons. Nous nous séparons à regret, mais surtout je suis vivement affecté en disant adieu à Saint-Vrain, dont la joyeuse et cordiale confraternité avait été ma consolation pendant ces 3 jours de souffrance. Il me donna une nouvelle preuve de son amitié en se chargeant de la conduite de mes wagons et de la vente de mes marchandises sur le marché de Chihuahua. « Ne vous inquiétez pas, mon garçon, me dit-il en me quittant. Tâchez de tuer le temps avec le champagne et le pas. » Nous serons revenus en un saut d'écureuil, et croyez-moi, je vous rapporterai des doublons mexicains de quoi charger une mule. Dieu vous garde, adieu. Je pus me mettre sur mon séant et à travers la fenêtre ouverte, voir défiler les bâches blanches des wagons, qui semblaient une chaîne de collines en mouvement. J'entendis le claquement des fouets et les sonores « Uo, ya » des voituriers. Je vis les marchands à cheval galoper à la suite, et je me retournai sur ma couche, plein du sentiment de ma solitude et de mon abandon. Pendant plusieurs jours, je demeurai couché, inquiet et agité, malgré l'influence consolatrice du champagne et les soins affectueux, quoique rudes de mon valet et voyageur. Enfin, je pus me lever, m'habiller et m'asseoir à ma ventana. De là, j'avais une belle vue de la place et des rues adjacentes, voies sablonneuses bordées de maisons brunes bâties en adobe. Note 1, large brique séchée au soleil. Des heures entières s'écoulèrent pour moi dans la contemplation des gens qui passent. La scène n'est pas dépourvue de nouveautés et de variétés. De laides figures basanées se montrent sous les plis de noirs rebozos. Des yeux menaçants lancent leurs flammes sous les larges bords des sombreros. Des poblanas en court jupon et en pantoufles passent sous ma fenêtre. Des groupes d'indiens soumis, des pueblos, arrivent des rancherias voisines, petites fermes, frappant leurs ânes pour les faire avancer. Ils apportent des paniers de fruits et de légumes. Ils s'installent au milieu de la place sablonneuse derrière des tas de poires longues ou des pyramides de tomates et de chili. Les femmes achetant au détail ne font que rire, chanter et babiller. La tortillera, à genoux près de son métate, fait cuire sa pâte de maïs. L'étend en feuilles minces, la pose sur les pierres chaudes et crie « Tortillas, tortillas, calientes !» Tortillas est toute chaude. La cochinera épluche les gousses poivrées de chili colorado. Agite le liquide rouge avec sa cuillère de bois et allèche les pratiques par ces mots « Chile, bueno, excelente, carbone, carbone », crie le charbonnier « Agua, agua limpia », chante le porteur d'eau « Pan fino, pan blanco », hurle le boulanger. Et une foule d'autres cris poussés par les vendeurs d'atole, de huevos et de leche forment l'ensemble le plus discordant qu'on puisse imaginer. Telles sont les voix d'une place publique au Mexique. C'est d'abord assez amusant, mais cela devient monotone. Puis désagréable, jusqu'à ce qu'enfin j'en sois obsédé au point de ne pouvoir plus les entendre sans en avoir la fièvre. Quelques jours après, je puis enfin marcher, et je vais me promener avec mon fidèle God. Nous parcourons la ville. Elle me fait l'effet d'un vaste amas de briques préparées pour recevoir le feu. Partout nous trouvons le même adobe brun, les mêmes léperos, de mauvaises mines, flânant au coin des rues, les mêmes jeunes filles aux jambes nues et chaussées de pantoufles, les mêmes fils d'Aneros. Les mêmes bruits et les mêmes détestables cris. Nous passons devant une espèce de masure dans un quartier éloigné et nous sommes salués par des voix sortant de l'intérieur. Elles crient « Muera los Yankees, Abaros los Americanos ». Sans doute le pelado, à qui je suis redevable de ma blessure, est parmi les canailles qui garnissent les croisées. Mais je connais trop l'anarchie du pays pour m'aviser d'en appeler à la justice. Les mêmes cris nous suivirent dans une autre rue, puis sur la place. God et moi nous rentrâmes à la fonda convaincus qu'il n'était pas sans danger de nous montrer en public. Nous résolûmes en conséquence de rester dans l'enceinte de l'hôtel. À aucune époque de ma vie, je n'ai autant souffert de l'ennui que dans cette ville à demi barbare et confinée entre les murs d'une sale auberge. Et cet ennui était d'autant plus pesant que je venais de traverser une période toute de gaieté, au milieu de joyeux garçons, que je me représentais à leur bivouac sur les bords du Del Norte, buvant, riant, en écoutant quelques terribles histoires des montagnes. God partageait mes sentiments et se désespérait comme moi. L'humeur joviale du voyageur disparaissait. On n'entendait plus la chanson des bateliers canadiens, mais les S, les F et les God ronflaient à chaque instant, provoqués par tout ce qui tenait du Mexique ou des Mexicains. Je pris enfin la résolution de mettre un terme à nos souffrances. « Nous ne pourrons jamais nous habituer à cette vie-là, God, » dis-je un jour à mon compagnon. « Ah, monsieur, jamais, jamais, nous ne pourrons nous y habituer. Ah, c'est assommant, plus assommant qu'une assemblée de Quakers. Je suis décidé à ne pas la mener plus longtemps. Mais qu'est-ce que monsieur prétend faire? Quel moyen, capitaine? Je quitte cette maudite ville, et cela pas plus tard que demain. Mais monsieur, est-il assez fort pour monter à cheval? Je veux courir le risque, God. » Si les forces me manquent, il y a d'autres villes le long de la rivière où nous pourrions nous arrêter. Où que ce soit, nous serons mieux qu'ici. C'est vrai, capitaine. Il y a de beaux villages le long de la rivière, Albuquerque, Tomé. Il n'en manque pas un, et, Dieu merci, nous y serons mieux qu'ici. Santa Fe est un repère d'affreux gredins. C'est fameux de nous en aller, monsieur, fameux. Fameux ou non, God, je m'en vais. Ainsi préparez-vous cette nuit même, car je veux quitter la ville avant le lever du soleil. Dieu merci, ce sera avec un grand plaisir que je préparerai tout. Et le Canadien sortit en courant de la chambre, se frottant les mains de joie. J'avais pris la résolution de quitter Santa Fe à tout prix. Je voulais, si mes forces à moitié rétablies me le permettaient, suivre et même, s'il était possible, rattraper la caravane. Je savais qu'elle ne pouvait faire que de courtes étapes à travers les routes sablonneuses du Del Norte. Si je ne pouvais parvenir à rejoindre mes amis, je m'arrêterais à Albuquerque ou à El Paso. L'un ou l'autre de ces points devant m'offrir une résidence au moins aussi agréable que celle que je quittais. Mon chirurgien fit tous ses efforts pour me dissuader de partir. Il me représenta que j'étais encore en très mauvais état, que ma blessure était loin d'être cicatrisée. Il me fit un tableau très éloquent des dangers de la fièvre, de la gangrène, de l'hémorragie. Voyant que j'étais résolu, il mit fin à ses remontrances et me présenta sa note. Elle montait à la modeste somme de $100. C'était une véritable extorsion. Mais que pouvais-je faire? Je criais, je tempêtais. Le Mexicain me menaça de la justice du gouverneur. God jura en français, en espagnol, en anglais et en indien. Tout cela fut inutile. Je vis qu'il fallait payer, et je payais, quoiqu'avec une mauvaise grâce. La sangsue disparut et le maître d'hôtel lui succéda. Celui-ci, comme le premier, me supplia, avec instance de ne pas partir. Il me donna quantité d'excellentes raisons pour me faire changer d'avis. « Ne partez pas sur votre vie, Seigneur, ne partez pas. »« Et pourquoi, mon bon José ?» demandai-je. « Oh, Seigneur, los indios bravos, los navarros, caramba !»« Mais je ne vais pas du côté des Indiens. Je descends la rivière. Je traverse les villes du Nouveau-Mexique. »« Ah, Seigneur, les villes, vous n'avez pas de seguridad. »« Non, non, nulle part on est à l'abri du Navarro. »« Nous avons des novedades, des nouvelles toutes fraîches. »« Paul Videra. » Pobre Paul Videra, elle a été attaquée dimanche dernier. Dimanche, Seigneur, pendant que tout le monde était à la messe. Et puis, Seigneur, les brigands ont entouré l'église. Et oh, caramba! Ils ont traîné dehors tous ces pauvres gens, hommes, femmes et enfants. Puis, Seigneur, ils ont tué les hommes, et pour les femmes, Dios de mi alma. Eh bien, et les femmes? Oh, Seigneur, toutes parties, emmenées aux montagnes par les sauvages, pobres mujeres. C'est une lamentable histoire, en vérité. Mais les Indiens, ce que j'ai entendu dire, ne font pas de pareils coups qu'à de longs intervalles. J'ai la chance de ne pas les rencontrer maintenant. En tout cas, José, j'ai résolu d'en courir le risque. Mais, Seigneur, continua José, abaissant sa voix, au diapason de la confidence, il y a d'autres voleurs, outre les Indiens. Il y en a deux blancs, muchos, muchísimos. Ah, je vous le dis, mi amo, des voleurs blancs, blancos, blancos y muy fueros, et bien dangereux, caray. Et José serra les poings comme s'il se fût débattu contre un ennemi imaginaire. Tous ses efforts pour éveiller mes craintes furent inutiles. Je répondis en montrant mes revolvers, mon rifle et la ceinture bien garnie de mon domestique God. Quand le bonhomme mexicain vit que j'étais déterminé à le priver du seul hôte qu'il eut dans sa maison, il se retira d'un air maussade et revint un instant après avec sa note. Comme celle du médecin, elle était hors de toute proportion raisonnable. Mais encore une fois, je n'y pouvais rien et je payais. Le lendemain, au petit jour, j'étais en selle, suivi de God, et d'une couple de mules pesamment chargées, je quittais la ville maudite et suivais la route du Rio Abajo.